Le soleil a déserté notre village et la neige est venue recouvrir nos toits. Toi, tu es parti poursuivre un vagabond volage. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Tu avais déjà cousu ta robe blanche. Jour et nuit, filait l'aiguille entre tes doigts. Elle attend ton corps comme j'attends mon jour de chance. Mon amour, au printemps, tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je t'attends, il n'y a que toi dans mon âme. Prions Dieu, car je suis sûr qu'il m'entendra. Je ne pleure plus, j'ai déjà tant versé de larmes. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Tu viendras là où les souvenirs t'appellent. Tu viendras lorsque l'autre te quittera pour chercher l'oubli contre mon cœur toujours fidèle. Mon amour, au printemps, tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Je saurais changer ta vie parce que je t'aime. Je réchaufferai ton cœur qui aura froid. Puis l'oubli viendra et nous serons heureux quand même. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Mais si tu ne devais plus franchir ma porte, je le sais, mon cœur, je ne survivrai pas. Et l'été prochain, je veux qu'en terre l'on me porte. Mon amour, si au printemps tu ne viens pas, je me mêlerai aux cendres de nos amours mortes. Mais au printemps, je sais que tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la. Mon amour, au printemps, tu reviendras.